Premier livre des rois, chapitre 5. Hiram aussi roi de Tyr envoya ses serviteurs vers Salomon, ayant appris qu'on l'avait oint pour roi en la place de son père, car Hiram avait toujours aimé David. Et Salomon envoya vers Hiram pour lui dire, « Tu sais que David mon père n'a pu bâtir une maison au nom de l'Éternel son Dieu, à cause des guerres qui l'ont environné, jusqu'à ce que l'Éternel a eu mis ses ennemis sous ses pieds. Et maintenant l'Éternel mon Dieu, m'a donné du repos tout alentour, et je n'ai point d'ennemis, ni d'affaires fâcheuses. Voici donc je prétends bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu, selon que l'Éternel en a parlé à David mon père en disant, « Ton fils que je mettrai en ta place sur ton trône, sera celui qui bâtira une maison à mon nom. C'est pourquoi commande maintenant qu'on coupe des cèdres du Liban, et que mes serviteurs soient avec tes serviteurs, et je te donnerai pour tes serviteurs telle récompense que tu me diras. » Car tu sais qu'il n'y a point de gens parmi nous, qui s'entendent comme les Sidoniens, à couper le bois. Or il arriva que quand Hiram eut entendu les paroles de Salomon, il s'en réjouit fort, et dit, « Béni soit aujourd'hui l'Éternel, qui a donné à David un fils sage pour être roi sur ce grand peuple. » Hiram envoya donc vers Salomon pour lui dire, « J'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire, et je ferai tout ce que tu veux au sujet du bois de cèdre et du bois de sapin. Mes serviteurs les amèneront depuis le Liban jusqu'à la mer, puis je les ferai mettre sur la mer par ado, jusqu'au lieu que tu m'auras marqué, et je les ferai la délier, et tu les prendras, et de ton côté tu me satisferas en fournissant de vivre ma maison. » Hiram donc donnait du bois de cèdre, et du bois de sapin à Salomon, autant qu'il en voulait. Et Salomon donnait à Hiram 20 000 corps de froment pour la nourriture de sa maison, et 20 corps d'huile très pure, Salomon en donnait autant à Hiram chaque année. Et l'Éternel donna de la sagesse à Salomon, comme l'Éternel lui en avait parlé, et il lui fait entrer Ramé Salomon, et ils traitèrent alliance ensemble. Le roi Salomon fit aussi une levée de gens sur tout Israël, et la levée fut de 30 000 hommes. Et il en envoya 10 000 au Liban chaque mois, tour à tour, ils étaient un mois au Liban, et 2 mois en leur maison, et Adoniram était commis sur cette levée. Salomon avait aussi 70 000 hommes qui portaient les faits, et 80 000 qui coupaient le bois sur la montagne, sans les chefs des commis de Salomon, qui avaient la charge de l'ouvrage, au nombre de 3 300, lesquels commandaient au peuple qui était employé à ce travail. Et par le commandement du roi, on amena de grandes pierres, et des pierres de prix, pour faire le fondement de la maison, qui était toute taillée. De sorte que les maçons de Salomon, et les maçons d'Hiram, et les tailleurs de pierre taillèrent et préparèrent le bois et les pierres pour bâtir la maison.